La prochaine chanson est spécialement dédicacée à tous les nouveaux-nés de l'année, à ceux de l'année passée, à ceux de l'année d'avant, à ceux de l'année prochaine, à ceux qui auront 20 ans quand on devra fêter ma centaine. Le but du jeu, c'est d'être heureux. Autant vous dire, autant qu'on y est, il va falloir pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pédaler. Dans la vie, faut pédaler. Pédaler. Pour t'élancer. N'hésite pas, envoie le bois.